L'actualité à Nancy et ailleurs. Le camp climat Nancy revient en 2024 pour une quatrième édition. Ça se passera à la MJC Pichon du 22 au 25 août. Et pour nous en parler, nous avons en studio Johan. Bonjour. Bonjour. Alors, un camp climat, c'est quoi ? Alors, un camp climat, c'est les événements qui ont été lancés en 2015 par les associations Les Amis de la Terre Alternatiba et NVCOP21. Il s'agissait d'un événement qui avait lieu à un endroit en France et où tous les militants de la France se réunissaient pour des formations, des conférences, des débats, des moments conviviaux, etc. En 2020, suite à la crise du Covid, il a été décidé par ces associations de régionaliser les camps climat. Donc en fait, maintenant, les camps climat, il y en a partout en France. Et nous, on s'en est emparé avec le plan Bénancy et la communauté d'associations qui le compose dès 2020. Et là, on est en 2024 pour la quatrième édition du camp climat Nancy. Et pour ceux qui seront du côté du Pays Basque en septembre, il y en a un aussi là-bas, précisément du 12 au 15 septembre. Mais là, on s'intéresse bien sûr à ce qui se passe tout près de chez nous. Ce sera la MJC Pichon. Qu'est-ce qui se passe dans un camp climat ? Justement, il se passe énormément de choses. Le camp climat, en fait, c'est vraiment organisé par le plan Bénancy et les associations membres de la communauté. On y retrouve des ateliers, des conférences, des formations, des débats et plein de choses. L'objectif, c'est vraiment de s'adresser au grand public pour pouvoir s'informer, se former et s'engager sur les enjeux écologiques et sur l'impératif social. Toi, tu les as connus comment, ces camps climat ? Moi, j'ai participé à quelques éditions en France avant de les organiser à Nancy avec le plan B. Et qu'est-ce que tu aimes justement dans cette ambiance, dans ce temps où tout le monde se rencontre ? Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est vraiment les temps d'échange. Il y a énormément de formations et d'ateliers intéressants. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. En fait, c'est le plan Bénancy qui le porte, mais c'est organisé avec toutes les associations membres de la communauté. On en a 72 associations actuellement sur énormément de sujets différents. Donc, il y a des ateliers autant sur la transition écologique, sur les solidarités, le social, la culture. Et chacune peut vraiment s'y retrouver. Et ce qui est vraiment aussi prenant et intéressant, c'est les échanges entre les formations. On a d'ailleurs prévu quelques animations portées par des associations membres et une buvette pour pouvoir boire un coup sur l'événement et favoriser les discussions. Puis ça ouvre sur autre chose aussi, ces camps climat, parce qu'on va apprendre plein de choses, on va mettre des gens en relation, ça débouche sur des projets, du travail ensemble après. En fait, l'idée, nous, sur les camps climat, c'est vraiment de s'adresser au grand public pour les faire découvrir nos dynamiques collectives et leur permettre, s'ils le souhaitent, de pouvoir s'engager aux côtés d'associations locales ou de les découvrir et de pouvoir un peu s'immerger dans ce milieu militant. Tu peux nous donner quelques exemples des éditions précédentes, des thématiques qui étaient abordées par exemple ? Ouais, comme je l'ai dit, il y a énormément de thématiques d'abordées, mais quelques exemples un peu concrets. En 2023 et 2022, on avait une formation au frein au changement. Il s'agit vraiment d'un atelier où on explique les freins psychologiques qui sont liés au changement en fait, et comment les dépasser. On avait une fresque de l'eau aussi qui avait été organisée par un membre. Il s'agit d'un atelier participatif où on explique le circuit de l'eau et les tensions sur le système. On a eu des formations à l'agroécologie, des projections de fines débats sur le thème de la publicité. Et on se retrouvait aussi pas mal de formations très concrètes de montée en compétences sur la communication, comment animer une réunion, etc. Quel public vous attendez sur place et comment s'y inscrire ? On attend vraiment tout type de public. En fait, j'invite vraiment à parcourir la programmation. Une fois qu'elle sera sortie, il y aura possibilité de s'inscrire, verra tous les ateliers, les descriptions et s'inscrire sur les ateliers qui nous semblent avoir du sens pour nous, sur des sujets qui nous intéressent. Et se laisser porter petit à petit, il y aura des animations et une buvette le soir pour pouvoir échanger, discuter avec les personnes. Et pour retrouver toutes les informations, on pourra les retrouver sur les réseaux sociaux du plan Bénancy, donc sur la page Facebook et sur la page Instagram de l'événement. Et c'est du 22 au 25 août, donc à la MJC Pichon, c'est un nouvel endroit là aussi ? On a déjà pas mal bossé avec la MJC Pichon, mais c'est la première fois qu'on fait un camp climat là-bas, effectivement, 22 au 25 août. Et pour finir, le dernier mot, Johan ? Eh ben, venez au camp climat Nancy. Le camp climat Nancy, c'est vraiment l'événement à Nancy pour se mobiliser et faire progresser les idées humanistes et solidaires qui sont vraiment nécessaires pour enclencher la transition écologique et répondre à l'impératif social du moment. Merci Johan. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.